1er novembre, la loi pour l'Internet souverain est entrée en vigueur en Russie. Une loi qui prévoit à terme de développer un Runet en lieu et place d'Internet. Runet qui puisse être totalement indépendant de l'Internet mondial, à l'image de ce que la Chine développe depuis le milieu des années 90, c'est-à-dire un réseau fermé à l'échelle d'une nation, avec évidemment l'idée de l'exercice d'un contrôle accru, c'est un euphémisme, des échanges et de la circulation de l'information à l'intérieur des frontières. Est-ce la fin de l'Internet mondialisé, le début des Internets nationaux? Mais me direz-vous, l'Internet mondialisé ne serait-il pas après tout la propriété des États-Unis. Internet mondialisé, la liberté au pied du mur, c'est le programme sous contrôle qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer cette émission par vous remercier, vous toutes et tous, auditrices et auditeurs de France Culture en général et de la méthode scientifique en particulier, déjà en septembre, pour un nombre de podcasts record avec plus d'1 800 000 téléchargements. Et aujourd'hui, pour les audiences médiamétrie, vous nous avez littéralement propulsé avec plus de 56 000 auditeurs quotidiens supplémentaires par rapport à l'an dernier, l'une des plus belles progressions de la chaîne. Donc merci à toutes et à tous. On vous aime au moins autant que l'inverse, si ce n'est plus. Un amour, bien sûr, qui nous engage à toujours plus de rigueur, d'attention, de vulgarisation de pointe, d'invités de sujets passionnants, sans oublier bien sûr les titres douteux que vous venez donc de plébisciter. Tant pis pour vous, mais merci quand même. Allez, on en vient à notre émission du jour et la nationalisation d'Internet. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Nocetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes. Vous êtes chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et enseignant-chercheur aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Et nous sommes ici à la Maison de la Radio à Paris avec Kaveh Salamatian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'informatique à l'Université de Savoie, chercheur en métrologie des réseaux et en cyberstratégie. Mais elle n'a pas de frontières pour décrire jour après jour l'actualité internationale des sciences et de la recherche. C'est l'heure de retrouver Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec la création d'un nouveau matériau thermoélectrique qui bat des records du monde en production d'énergie. Et les matériaux thermoélectriques peuvent convertir les différences de température en énergie. C'est ce qu'on appelle l'effet Seebeck. Cette quantité d'énergie électrique est mesurée par la valeur ZT. Plus la valeur ZT d'un matériau est élevée, plus ses propriétés thermoélectriques sont fortes. Jusqu'à présent, les meilleurs matériaux thermoélectriques ont des valeurs ZT de 2,5 à 2,8. Les physiciens de l'Université de technologie de Vienne ont publié leurs résultats dans la revue Nature. Ils ont obtenu un nouveau matériau d'une valeur de 5 à 6 ZT. Alors ça reste une faible quantité d'énergie, mais tout de même, les auteurs pensent à des applications pour de petits appareils électroniques. Il s'agit d'une fine couche de fer, de vanadium, de tungstène et d'aluminium, aux caractéristiques étonnantes lorsqu'elle est appliquée sur du silicium. Emmanuel Guillemot est directeur de recherche chez CNRS. Il travaille au laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux à Caen. Les chercheurs ont stabilisé une structure cristallographique bien particulière. Dans ce film main, c'est une structure qui est, on va dire, métastable. Et donc, c'est grâce à cette nouvelle structure qu'ils ont pu obtenir ces propriétés très élevées. Il montre en fait qu'il y a deux couches de diffusion au niveau du substrat. Donc c'est un substrat de silicium. Il y a une couche de FeSi2 et une couche d'Al2O3 qui se forment lors du dépôt et ensuite du recuit des films. Et ensuite, c'est à proprement dit le film au-dessus, donc qui est l'alliage de Slurr, alors dopé ici avec du tungstène pour améliorer le taux de porteur. Donc c'est la croissance de ce film de Slurr sous cette forme cristallographique bien particulière, en cubique centré et non pas en cubique face centrée, qui semblerait générer ces propriétés en fait. La découverte, elle vient surtout de l'amélioration, en tout cas de l'augmentation du coefficient Seebeck du matériau. Donc le coefficient Seebeck, c'est la faculté d'un matériau à stabiliser une différence de potentiel dans un gradient de température. Et donc, plus votre coefficient Seebeck est élevé, plus vous allez avoir une différence de potentiel élevée aux bornes de votre matériau, et donc plus vous allez pouvoir générer de courant. Donc, on cherche des matériaux avec des coefficients Seebeck qui sont grands, des conductivités électriques élevées pour avoir le minimum d'effet joule, et aussi des conductivités thermiques faibles. Mais la découverte majeure, en tout cas dans l'article, c'est l'obtention d'un coefficient Seebeck très élevé. On passe au bref. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, appelle à un encadrement strict de la reconnaissance faciale en France. Oui, la CNIL veut ouvrir le débat public sur cette technologie qui est de plus en plus expérimentée en France, mais sans aucun cadre législatif. Elle vient de publier un rapport en forme de guide pour éviter les dérives possibles. Les algorithmes de reconnaissance faciale traitent des données biométriques sensibles et pour cette raison, la CNIL préconise un usage restreint et encadré. Sans cadre, elle redoute un changement de paradigme de la surveillance. D'une surveillance ciblée, nous passerions à une surveillance de tous. Elle dénonce également une remise en cause profonde du droit à l'anonymat. L'agence Reuters a révélé hier que les enchères des fréquences 5G pour les opérateurs mobiles sont repoussées. Et ces enchères devaient commencer en janvier pour une arrivée de la 5G en France dès le premier trimestre 2020. Mais selon Reuters, l'autorité de régulation des communications électroniques et le ministère des Finances, tous deux en charge du dossier, ne se mettent pas d'accord sur les règles juridiques de ces enchères. Les opérateurs français Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free devront donc attendre jusqu'à mars 2020. Et enfin, Nature Astronomy publie le premier atlas de Titan, la plus grande lune de Saturne. C'est la carte de la surface de Titan la plus complète. Le Californian Institute of Technology l'a élaborée à partir des données radar et infrarouges de la sonde spatiale Cassini. L'une des difficultés était de traverser le dense brouillard de son atmosphère, composé de méthane et d'azote. Dans ces travaux, on y voit toute la diversité géologique de cette lune géante, ses plaines, ses dunes et ses lacs de méthane à l'état liquide. Cette carte sera un outil précieux pour la prochaine mission d'exploration de la NASA, la sonde Dragonfly, dont le lancement est prévu pour 2026. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. On vous a mis bien sûr, comme tous les jours, tous les liens vers les études, également vers des articles de vulgarisation et vers ces magnifiques photos de l'Atlas de Titan. C'est sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc, ainsi fil Twitter que vous pouvez retrouver comme chaque jour sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Le 1er mai dernier, Vladimir Poutine signait donc cette loi pour un Internet souverain. Ce texte qui vient d'entrer en vigueur le 1er novembre a pour ambition de développer le Runet, un réseau Internet autonome, autosuffisant à l'échelle de la Fédération russe et donc évidemment sous contrôle renforcé des autorités. Le point sur cette ambition avec cet extrait d'un reportage d'Arte signé Sandra Thiel et Mathieu Bosch. C'est un projet de loi qui vise à isoler l'Internet russe du reste du monde. Il est en discussion à la Douma, le Parlement russe. Ce projet veut placer tous les échanges de données sur Internet en Russie sous la supervision du ministère des Communications. Ce dernier serait alors en mesure de décider du blocage des sites jugés dangereux. Le but officiel du Kremlin est de bâtir un Rusnet autonome qui ne peut pas être atteint par des hackers étrangers. Mais pour les critiques de ce projet, c'est une porte ouverte vers encore plus de censure. Un appel à la résistance numérique a été lancé et des milliers de personnes ont manifesté à Moscou le 10 mars. Leur slogan, contre le nouveau rideau de fer. Ils refusent d'être espionnés ou voir leur navigation limitée et totalement contrôlée. Leur principale crainte, que le pouvoir mette en place le modèle chinois. C'est-à-dire un Internet totalement fermé et déconnecté du système numérique mondial. Même si la Chine est loin d'être la seule à censurer aussi durement Internet. Les craintes des manifestants ne sont donc pas illégitimes. Voilà cette loi donc, ce reportage date du mois de mars, la loi russe pour un Internet souverain vient d'entrer en vigueur le 1er novembre. Alors il y a peut-être des choses un peu à préciser à partir de ce reportage, mais juste simplement la réaction à ce que vous venez d'entendre, Julien Nocetti. Alors pour verser dans une métaphore qui n'a aucun caractère scientifique, je dirais qu'il s'agit avant tout de d'isoler sur commande en fait l'internet russe et plus concrètement de pour les autorités russes de se doter d'un poste de commandement qui serait vraiment unique et à partir duquel les autorités, le Kremlin pourraient gérer les flux d'informations dans le cyberespace russe, dont la surveillance, la limitation ou le blocage de ces flux sur une partie ou la totalité du Runet. Donc c'est vraiment une manière de s'assurer un contrôle sur les infrastructures, aspect qui avait été non pas négligé mais du moins mis un petit peu en retrait par rapport à une logique de contrôle des contenus par Moscou. Donc c'est quelque chose qui signale, je pense, une étape supplémentaire dans ce contrôle dont on parle en Russie depuis quelques années déjà, et depuis 2012 et le retour de Vladimir Poutine au Kremlin. On était dans différentes étapes visant à remaîtriser ce cyberespace russophone. Et là aujourd'hui, avec cette loi qui entre en vigueur, on est vraiment dans un caractère très très massif au fond, parce qu'il s'agit de contrôler tous les points d'entrée au fond du cyberespace russophone qui échappe aujourd'hui en partie aux autorités, et sachant que la Russie est un territoire comme on le sait tous extrêmement vaste, c'est 11 fuseaux horaires, et que contrôler toutes ces vulnérabilités perçues par le Kremlin, ça va s'avérer extrêmement extrêmement complexe et coûteux d'un point de vue à la fois financier, technique et humain. Un mot, Kaveh Salmassian, sur ce qui se passe concrètement en fait depuis l'entrée en vigueur aujourd'hui de cette loi. Qu'est-ce que ça change? Il faut voir où est-ce que ça va aller, mais grosso modo, la Russie a fait une annonce au mois d'avril comme quoi il ferait une expérimentation à grande échelle de déconnexion de la Russie qui n'a pas eu lieu, mais l'annonce a été faite. Il y a un travail concret qu'on sait de la Russie de cartographier son cyberespace et donc de savoir qu'est-ce qui est connecté à l'étranger. Et l'objectif d'ailleurs de cette journée d'expérimentation de déconnexion, c'était tout simplement pour pouvoir démêler les fils de la pelote et savoir quels sont vraiment les services qui sont connectés à l'étranger. Et cette question-là, c'est une question qui n'est pas du tout évidente à répondre, puisque faire de la déconnexion d'Internet, ça arrive avec des coûts et bien sûr des bénéfices, et les coûts peuvent être très très importants en termes économiques. Donc c'est une des raisons pour laquelle ils n'ont pas mis ça en place. Ceci dit, on observe, en ayant observé l'évolution de l'architecture du réseau russe depuis quelque temps, on observe des évolutions qui vont dans le sens d'une prise de contrôle. Je reviendrai sur ça plus tard. Bien sûr, on aura le temps d'y revenir évidemment. Ce qui est intéressant peut-être de noter, Julien Nocetti, c'est que si cette déconnexion en préventive, ou je ne sais pas comment il faut la qualifier d'ailleurs, mais n'a pas eu lieu au mois d'avril, c'est parce qu'elle aurait eu des conséquences économiques notamment désastreuses pour la Russie, et même éventuellement peut-être même des conséquences en termes d'espionnage, des conséquences militaires très complexes à gérer. Alors bien sûr, en fait là, vous avez mis le doigt sur les deux principales justifications qui ont motivé les autorités russes. La première, c'est la dimension sécuritaire, et on sait que Vladimir Poutine avait justifié l'adoption de cette loi par le fait que la Russie était très vulnérable aux cybermenaces venant de l'étranger. Bon, c'est une façon de dire que les États-Unis sont la principale menace dans ce domaine pour la Russie. Et deuxième justification qui n'a pas été apportée directement, mais qui est voilée dans les discours des officiels russes. C'est la persistance d'un activisme numérique en Russie qu'il faut pas négliger. Et là, une petite parenthèse pour dire que depuis 2018, à intervalles très réguliers, il y a des manifestations vraiment assez importantes de citoyens russes, de jeunes en particulier, dans les rues de Moscou, de Saint-Pétersbourg, pour protester contre ces projets de loi et les lois qui sont adoptées. Et troisième point, donc la dimension économique. Alors oui, effectivement, il y a vous avez en Russie des acteurs nationaux. Enfin, comme Yandex, Mail.ru, Contactier, qui ont été repris en main pour tout ou partie par les autorités russes. Une industrie aussi des télécoms qui est relativement dynamique. Et à certains intervalles aussi, quand les autorités se montrent trop pressantes en matière de régulation et de contrôle, certains de ces acteurs n'hésitent pas à montrer leur mécontentement. Donc c'est quelque chose qui a été signalé par ces acteurs, je pense, assez vivement au printemps, quand il s'est agi justement de montrer le succès ou pas de ces tests de déconnexion. J'ai une double question en fait, mais qui n'en est au fond qu'une seule. Quel est l'intérêt aujourd'hui, alors on comprend bien, on vous l'avait expliqué, de vouloir pouvoir devenir autarcique en termes de réseau Internet? Est-ce que c'est stricto sensu une volonté de contrôle des communications, contrôle du territoire, de contrôle économique, ou est-ce que ça peut être aussi, ni plus ni moins, la volonté de reprendre une souveraineté sur un réseau international qui est de facto un réseau américain? Kaveh Salmassian. Il faut un peu aller au fond des choses et se poser la question un peu fondamentale qui est de dire est-ce que le cyberespace et l'Internet est un nouvel espace qui a émergé sur ces 40 dernières années. Et si c'est un nouvel espace, que signifie le contrôle de cet espace? Est-ce que les conflits qui peuvent exister sur l'espace géographique réel existent aussi dans cet espace? Une position qui est aujourd'hui de plus en plus partagée par beaucoup d'acteurs, c'est de dire qu'effectivement, il y a un nouvel espace qui émerge. Et donc, la question du contrôle territorial de cet espace numérique est une question géopolitique de la même façon que le contrôle territorial sur d'autres espaces. Donc, l'intérêt pour la Russie, c'est en quelque sorte de voir, ou d'essayer en tout cas, de faire en sorte que son contrôle qui est opérant et actif sur son territoire terrestre, est-ce qu'il peut l'étendre au cyberespace? Et je dirais même, est-ce qu'il peut l'étendre plus loin que son territoire? Parce que l'un des intérêts aussi de ce nouvel espace qui apparaît, c'est que c'est un Far West qui est à conquérir. Donc toute une question qui se pose, c'est que puis-je contrôler? Et jusqu'où va ma capacité de contrôle? Un Far West à conquérir, c'est-à-dire finalement un terrain à défricher économiquement, c'est-à-dire potentiellement avec une importante plus-value financière? Il y a l'aspect économique, mais il y a l'aspect politique aussi. Pour les Russes, l'espace, déjà, pour les Russes, le cyberespace est nommé espace informationnel. Donc, le cyberespace russe dépasse largement les frontières de la Russie. Si on parle de fake news ou d'ingérence russe, c'est parce que une partie des services russes considèrent que son espace de contrôle et son espace d'action dépasse largement ce qui est de l'ordre du territoire stricto sensu russe. 110 millions d'utilisateurs internet pour une population totale de 145 en Russie, pour donner juste un ordre de valeur. Un mot tout de même, Julien Ossetti, sur peut-être ce jeu de dupes pour lequel on peut comprendre qu'il y ait aujourd'hui un certain nombre de réactions sans juger ou sans exercer de jugement, en tout cas sur les pays qui réagissent. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tout de même une tromperie initiale sur ce magnifique Internet mondialisé international qui est le nôtre, alors que de facto, aujourd'hui, on peut dire qu'Internet est une victoire du soft power américain à 99,8%. Alors bien sûr, c'est une formidable réussite hein, du point de vue américain, Internet, hein, qui consacre au fond leur prééminence sur les relations internationales et les échanges économiques dans le monde entier. Et ça rejoint aussi toute la vieille doctrine américaine de ce qu'on appelle en anglais l'open door policy, c'est-à-dire d'ouvrir des marchés sans forcément user de la force militaire. Et Internet a permis une formidable expansion justement économique là aussi pour les États-Unis et leurs propres géants du numérique. Je voulais juste revenir très rapidement à ce que vous disiez sur ces comment dirais-je la floraison de ces lois souveraines dans le cyberespace. Je pense que ce projet russe dont on a parlé il y a quelques minutes illustre, je pense, à merveille toutes ces logiques de fragmentation dans l'Internet mondial dont il est question depuis des années déjà, hein, bien sûr. Et puis Snowden a mis aussi le doigt où ça faisait mal, mais il a aussi pu accélérer certaines logiques. Mais tout ça a été replacé dans un contexte aujourd'hui où certaines puissances, comme la Russie, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, à certains moments, veulent montrer que l'Internet n'est plus aujourd'hui une technologie strictement occidentale. Donc ces pays veulent aussi désoccidentaliser Internet. Et ça, c'est un mouvement qui, à mon sens, sera extrêmement difficile à freiner pour les Américains comme pour les Européens aussi plus largement. France Culture, la méthode scientifique. Nicolas Martin. 16h20 sur la méthode scientifique, nous parlons donc de ces tentatives, de ces réussites parfois de nationalisation d'Internet. Nous en parlons avec Julien Ossetti en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à Rennes et avec Kaveh Salamatian ici avec nous à la maison de la radio. Peut-être ce qui peut être intéressant pour commencer, pour remettre un peu dans l'esprit des auditeurs, un peu ouvrir le capot de la machine entre guillemets et mettre les mains dans le moteur. Comment ça s'organise le réseau Internet? Comment comment est-ce qu'on peut à un moment donné décider de dire ah ben tiens, ce câble qui va chez le voisin, je le débranche et je le branche à l'intérieur chez moi, en fait. Comment ça marche, Kaveh Salamatian? Alors, l'Internet est un réseau émergent, c'est un phénomène d'émergence, c'est-à-dire la plupart des composantes d'Internet n'ont pas été conçues pour avoir l'architecture qu'elles ont aujourd'hui. C'est un phénomène d'émergence, et ce phénomène d'émergence fait que cet Internet a, qui était d'ailleurs au début un terrain de jeu formidable pour les chercheurs seuls, petit à petit, à partir des années 90, est devenu un terrain économique extrêmement important, et à partir de 2010, est devenu un terrain aussi d'intérêt très fort pour les gouvernements. Et donc, les gouvernements ont essayé d'interagir. Alors, on avait une certaine vision jusqu'en 2010 qui était de dire que l'Internet est un espace vaporeux qui n'est pas très... il est difficile de définir, d'avoir les États et autres. Et puis, à partir de 2010, on s'est tout d'un coup aperçu que même si l'espace de l'Internet est virtuel et vaporeux, il y a des infrastructures. Et ces infrastructures sont ancrées dans l'espace géographique et les acteurs, les États ont la capacité d'agir sur ça. Et donc, l'action qu'ils vont mener est une action qu'ils mènent au niveau des infrastructures physiques, mais aussi au niveau de la couche logique, de la deuxième couche de ces cyberespaces. Je vous arrête tout de suite parce que justement, c'est important de définir. Aujourd'hui, on parle d'Internet en trois couches. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'un et l'autre? Je sais pas, vous faites un ping-pong, qui fait la première, qui fait la deuxième. Julien Le Setti, je vous laisse commenter par la première couche. C'est quoi la première couche d'Internet? Alors, c'est où? La première couche, c'est ce qu'on appelle la couche basse, c'est-à-dire la couche infrastructurelle. Ça consiste dans tous les matériels qui sont nécessaires pour faire circuler les données. Donc, ça va être d'un côté les terminaux, donc les smartphones, les ordinateurs, qui permettent d'avoir accès à l'information. Mais ça va être aussi les infrastructures ou les informations que l'on souhaite consulter, voilà, et qui sont physiquement inscrites dans les serveurs. Voilà. C'est aussi des câbles sous-marins. Ça va être aussi des dorsales de fibre optique et ça va être surtout les satellites. Voilà. Et cette dimension satellitaire, on en parle très très peu, mais elle est aujourd'hui absolument incontournable dans toutes les activités numériques qu'on a aujourd'hui. Donc première couche matérielle, c'est le matériel à un bout et à l'autre bout de la chaîne, c'est tout ce qui est physique en dur. Deuxième couche qu'avait Salamatian, c'est la couche logicielle. Donc c'est la couche logique, qui est pas seulement du logiciel. C'est tout ce qui définit les chemins que vont suivre les données d'un point à l'autre et tout ce qui met en place la connectivité, c'est ce qu'on appelle les protocoles, qui vont de protocoles applicatifs type le protocole HTTP du web jusqu'au protocole de routage au niveau plus bas, type BGP. TCP/IP, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est dans la couche logique, et donc la couche logique a pour fonctionnalité principale de donner l'illusion à la personne qu'il a une connexion directe à un serveur à l'autre bout du monde, même si cette connexion directe passe par un certain nombre d'acteurs indépendants et de réseaux indépendants et par des positions géographiques totalement différentes. On pourrait dire, je parle sous votre contrôle, que la couche logique, c'est la façon dont la couche matérielle communique entre elles. La couche logique définit la façon dont les différents acteurs de la couche physique coopèrent. Pour envoyer des données d'un point à l'autre, il faut avoir une coopération entre acteurs. Et cette coopération est définie par le biais de la couche logique. Et troisième couche, la couche superficielle, le glaçage du gâteau en quelque sorte, Julien Le Setti, c'est la couche sémantique. Ces couches sémantiques, là, ce sont les contenus qui sont présents sur le web. Donc, ça va être toutes les informations, ce qui circule sur les réseaux sociaux, les discussions, les échanges au fond que vous et moi pouvons avoir sur le web. Voilà. Alors, maintenant qu'on a ça, couche matérielle, couche logique, couche sémantique, comment est-ce que ces couches se sont organisées, en fait, à la naissance d'Internet, en quelques mots, hein, peut-être Julien Nocetti, comment est-ce que ces couches se sont superposées les unes aux autres pour constituer ce qu'est le réseau international que l'on connaît aujourd'hui? Alors, elles sont d'abord, enfin, profondément interdépendantes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Un petit point sur lequel je pense les auditeurs sont intéressés, c'est d'éviter la confusion entre Internet et cyberespace. Oui. Parce que depuis le début de l'émission, il a été question des deux, au fond, hein, d'Internet, cette technologie mondialisée, et du cyberespace. Un terme sur lequel il y a toujours eu beaucoup de fantasmes et qui trouve son origine en partie dans la science-fiction américaine. Il faut bien avoir à l'esprit qu'Internet, c'est, tout bêtement, un système d'échange de données qui est fondé sur le protocole IP, comme le rappelait Kaveh Salamatian. Donc c'est un supports techniques de divers réseaux, hein, dont le plus connu c'est le web, donc sur lequel www. Tout. Voilà, tout à fait. Donc qui a été inventé par Tim Berners-Lee, pour rappel, il y a 30 ans au CERN. Et qui n'est, rappelons-le pour les auditeurs, qui n'est qu'une partie. Le web, ça n'est qu'une partie d'Internet. Hein, c'est la partie que l'on consulte, voilà, à laquelle on a accès le plus souvent, mais ça n'est vraiment qu'un petit fragment de l'intégralité des informations qui circulent sur Internet. C'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg, voilà. Et si vous voulez, ce web référencé n'est qu'une partie infime d'Internet, et donc du cyberespace. Vous avez aujourd'hui le deep web, donc qui est à peu près, je crois, 400 fois plus volumineux que le web accessible via les moteurs de recherche, type Google. Donc c'est quelque chose qui a aussi donne un petit peu l'échelle de ce qui est visible et immergé. Et au-delà d'Internet et de toutes ces complexités, hein, dont on a parlé en partie, il existe aussi une multitude d'autres protocoles qui composent le cyberespace. Donc ça va être des réseaux type Usenet, ou aussi des réseaux qui sont spécifiques, comme le réseau bancaire Swift, par exemple. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut dire, pour revenir sur ce que je déclarais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, ces trois couches du réseau telles qu'elles se sont développées, elles parcourent évidemment, quand on pense aux câbles, aux terminaux, elles parcourent évidemment et elles sont réparties sur l'ensemble de la planète, mais que tout de même, une grosse partie du noyau de ces trois couches est entre les mains des États-Unis. Est-ce que c'est allé un peu trop vite en besogne, Kaveh Salamatian ? Alors, je vais répondre à cette question, mais j'aimerais revenir aussi à cette définition, cette différenciation cyberespace Internet. Donc, le cyberespace, on va le définir comme l'ensemble des coopérations qui se construisent au-dessus de l'Internet et de la dorsale de l'Internet. Et ce qui est extrêmement important, c'est que le monde contemporain ne peut pas être compris sans comprendre la boucle de plus en plus rapide de création de nouvelles coopérations qui nécessitent de nouveaux systèmes, ces nouveaux systèmes créant de nouvelles coopérations qui nécessitent de nouveaux systèmes. Et donc, l'exemple, je dirais, parfait, c'est de dire que l'Internet, à la base, c'était pour échanger des fichiers, des paquets. Cette coopération de paquets permet d'échanger des fichiers, cette coopération d'échange de fichiers permet de faire le web. Le web permet de faire des réseaux sociaux, les réseaux sociaux permettent de faire des discussions politiques ou des groupes politiques, et ainsi de suite. Et cette boucle, cette spirale est ce qui façonne aujourd'hui le monde contemporain. Alors, je reviens sur l'histoire, sur l'affaire américaine. Effectivement, les États-Unis ont eu un rôle précurseur dans la mise en place de l'Internet. Et aujourd'hui, le cœur du réseau Internet est en grande partie américain. Sur des études qui avaient été faites il y a un an, deux ans, on disait que plus de 80% des plus courts chemins sur l'Internet passe par les États-Unis. Alors, quand je dis plus court chemin, ça ne veut pas dire plus 80% du trafic passe par l'Internet, mais les plus courts chemins qui existent passent par les États-Unis, et les États-Unis ont bien évidemment une position centrale. Un des thèmes aujourd'hui de recherche qui existe, c'est exactement d'arriver à trouver des moyens de représenter la position des différents pays, et c'est une recherche multidisciplinaire qui est extrêmement intéressante. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant d'un pays qui a construit très tôt, Julien Ossetti, son réseau de manière non pas parallèle, mais disons un peu plus autonome que le reste de la planète, c'est la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine, Julien Ossetti, dès le début des années 90? Alors, il s'est passé la chose suivante, c'est que les dirigeants chinois de l'époque ont eu assez vite conscience, au fond, du potentiel de ce qu'allait devenir Internet. Parce que d'un côté, les dirigeants chinois ont fait en sorte de développer le réseau Internet comme un intranet pour contrôler les entrées et les sorties des informations. Et aussi à se protéger de l'influence américaine, qui, comme dans le cas de la Russie, a été perçue de façon extrêmement néfaste, je dirais entre guillemets, en évitant aussi tous les câbles sous-marins contrôlés par des sociétés américaines ou qui passaient par des territoires contrôlés par les Américains. Donc c'est quelque chose aussi, d'un point de vue de la souveraineté, qui a largement motivé aussi l'approche des dirigeants chinois. Et c'est ce qui distingue aussi la politique chinoise de la politique russe, c'est-à-dire que la politique russe a été pendant très longtemps relativement ouverte sur l'étranger, avec des points d'entrée et de sortie très très ouverts. Mais dans le cas de la Chine, il y a eu une conscience très tôt de cette vulnérabilité et du fait que pour se prémunir de cette influence américaine, il fallait fermer toutes les écoutilles. Mmh. Et en parallèle de cela, il y a eu aussi le développement de champions nationaux qui ont dupliqué quasiment, hein, pour certains, les secteurs d'activité des géants occidentaux, hein, comme les Facebook et Google, qui ont aussi leur équivalent en Chine. Les fameux BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Baidu, Xiaomi, Alibaba, etc. Ouais. Et les autres, parce qu'il y en a plusieurs. Ce qui est intéressant qu'avait Salama Sian, c'est que très vite et très tôt, les Chinois ont investi chacune des trois couches, c'est-à-dire vraiment la couche matérielle, la couche logique avec des protocoles propres à la Chine, facilités aussi en partie par les idéogrammes et l'acquisition de l'information, et puis évidemment, comme on vient de le dire, la couche sémantique finale. Alors, la cyberstratégie chinoise peut se résumer en fait dans le premier email qui a été envoyé par la Chine, le premier message qui est sorti de Chine en 1986, c'est le message suivant. Nous, ici, derrière la muraille, nous accédons au monde. Et ce message-là, c'est tout le programme de la cyberstratégie chinoise. C'est-à-dire, la stratégie chinoise est construite autour du concept d'intérieur et d'extérieur, et de séparer l'intérieur et l'extérieur, de protéger au maximum l'intérieur, et de construire des passerelles vers l'extérieur. Et donc, l'Internet chinois, dès le début de sa conception, a été conçu comme un réseau avec un intérieur et un extérieur, et une muraille entre les deux. Qu'on appelle le Great Firewall d'ailleurs. Qu'on appelle le Great Firewall. Le grand mur de feu de Chine. Ou le grand mur de feu de Chine, ou d'autres petits noms qu'il a. Les Chinois sont extrêmement créatifs dans les noms qu'ils donnent au Great Firewall. Et cette stratégie-là fait que, grosso modo, aujourd'hui, le comportement de la Chine dans le cyberespace est à peu près prédictible, puisque ça suit une stratégie qui est la même dans toute une série de domaines. Et la différence fondamentale de la Chine avec d'autres acteurs, c'est que dès le début, la Chine a vu l'Internet comme dans sa dimension stratégique, et donc a conçu son réseau et sa structure avec cette dimension stratégique en tête. En particulier, un élément qui est très très important, c'est que la Chine, dès le début, s'est rendu compte aussi que les réseaux sociaux permettaient non seulement d'être attaqués, mais aussi de manipuler les masses. Et donc, la Chine aussi a construit toute une stratégie autour de l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Weibo est utilisé de façon très très massive par le gouvernement chinois pour des objectifs qu'il a. Et je dirais que la compréhension de cette dimension stratégique des réseaux sociaux, de la couche informationnelle ou de la couche, même je dirais, logique ou de la couche physique, n'est apparue chez les autres acteurs que beaucoup plus tard. Aux États-Unis ou en Europe, on s'est aperçu de la notion de l'espace informationnel avec les intrusions ou les interférences russes en 2016. Tandis que les Chinois ont utilisé ça depuis très longtemps. Il y a d'autres pays qui se sont rendus compte de quelques interférences, parfois américaines, un peu plus tôt que 2016 par ailleurs, mais c'est un autre débat. Julien Nocetti, sur la structure justement de ce réseau chinois, sur le fait par exemple que ils ont très vite créé leur propre racine DNS, c'est-à-dire leur propre racine de nom de serveur à eux-mêmes pour que le trafic soit justement relayé directement en interne. Alors bien sûr, du point de vue justement de l'investissement des autorités chinoises dans les trois couches du cyberespace dont on a parlé tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant parce que quand vous reprenez au fond tout le listing des infrastructures physiques et des services et applications, vous constatez que dans chacun de ces secteurs, la Chine investit massivement, ou essaye d'avoir des positions prééminentes. Je pense à la pose de cap sous-marin aujourd'hui, Huawei est un acteur absolument majeur aujourd'hui, dans l'activité satellitaire, là aussi, il y a une affirmation chinoise depuis 10-15 ans dans l'espace. Pardon, et qui a son pendant militaire d'ailleurs. Dans l'activité des terminaux, là aussi, smartphone, ordinateur, on sait tous que les acteurs chinois ont aussi des parts de marché croissantes dans le monde entier, ce qui explique aussi en partie les tensions avec l'administration américaine de Trump. Et sur l'activité sémantique et des contenus, vous avez des acteurs qui aujourd'hui n'hésitent pas à s'exporter au-delà de la Chine, avec des spécificités aussi locales, c'est-à-dire qu'un acteur comme WeChat en particulier, qui appartient au groupe Tencent, est une spécificité bien chinoise. Hein. C'est une sorte de couteau suisse, un peu, pour faire des métaphores numériques, qui rassemble en Chine à peu près, je crois, 1 milliard d'utilisateurs et qui peut servir à bien des domaines en fait pour les citoyens chinois. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi structure une vraie vision chinoise de l'internet et du cyberespace, avec l'idée aussi qu'il faut exporter. Et quand on pense au projet chinois des nouvelles routes de la soie, en particulier, il y a tout un volet numérique qui doit, pour la Chine, pour le dirigeant chinois, permettre à l'industrie numérique et technologique chinoise de s'exporter jusqu'en Europe, via l'Eurasie, bien et sûr, jusqu'en Afrique aussi. Puisqu'il y a un câble qui passe par l'Inde, l'Asie du Sud-Est, qui doit arriver à Marseille dans peu de temps, je crois. Deux mots rapidement, parce que j'aimerais qu'on revienne ensuite sur, une fois qu'on a compris le réseau chinois, à la question de la Russie. Quand on voit aujourd'hui les statistiques, Julien Nocetti, 2/3 effectivement du trafic national est sur le sol chinois, donc on voit bien que ça a un effet, hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un effet du Great Firewall qui fonctionne sur le trafic à l'intérieur, sur le trafic internet à l'intérieur du pays. Et pourtant, pour la publicité, paradoxalement, 87% des pubs chinoises pingent aux USA, c'est-à-dire vont chercher des pubs aux USA. Comment est-ce qu'on comprend ça, Kaveh Salamatian? Donc ça, c'est nos travaux de recherche qui ont montré ça. En fait, ça montre aussi la malléabilité du cyberespace. C'est que dans les recoins du cyberespace peut se cacher des choses qui sont difficiles à voir directement, sauf si on s'y intéresse. La raison pour laquelle une grosse partie de la publicité en Chine va aux États-Unis, c'est tout simplement qu'une grosse partie du marché de la publicité est faite par des applications Android, et les applications Android utilisent des librairies qui pointent vers des acteurs américains en majorité. Julien Nocetti, à ce propos ? Le propos de Kaveh Salamatian est tout à fait clair là-dessus, et c'est vrai qu'on constate vraiment une prépondérance des gens américains encore aujourd'hui dans la publicité en ligne. Et ça, c'est quelque chose qui même du point de vue chinois n'est pas forcément facile à contrer et à contourner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, si la Chine voulait faire un test à l'échelle du pays pour se débrancher complètement, son réseau tiendrait. Ça veut dire que il pourrait faire ce que la Russie n'a pas réussi à faire au mois d'avril. Alors d'un point de vue technique, je pense que la Chine aurait plus de facilité entre guillemets par rapport à la Russie en la matière. Alors il s'agit pas seulement de superficie géographique, mais de points de contrôle. Et la Chine, à mon sens, en a quand même bien plus que dans le cas de la Russie. Ça se ferait en l'espace de quelques minutes, c'est-à-dire l'architecture du réseau chinois est totalement étanche, avec une différenciation complète de ce qui est à l'intérieur, de ce qui est à l'extérieur, et ils le feraient, je dirais, en l'espace de quelques minutes s'ils avaient besoin. Et même, je dirais même plus, ils auraient la capacité, vous avez parlé du DNS, ils auraient la capacité domain name server, totalement autonome. Ça, les noms de domaine, c'est quand on tape franceculture.fr, voilà. Par exemple. Donc ce serait totalement possible à faire. Finally, I get to teach a whole lesson all by myself. And I'm gonna teach something relevant, something modern. The internet. The internet is really, really great. For porn. I got a fast connection so I don't have to wait. For porn. What? There's always some new site. For porn. I browse all day and night. For porn. It's like I'm surfing at the speed of light. For porn. Trekkie. The internet is for porn. Trekkie. The internet is for porn. What are you doing? Why you think the net was born? Porn, porn, porn. Trekkie. Oh, hello, Kid Monster. You are ruining my song. Oh, me sorry, me no mean to. Well, if you wouldn't mind please being quiet for a minute so I can finish. Okie dokie. Good. I'm glad we have this new technology. For porn. Which gives us untold opportunity. For porn. Oh, sorry. And from your own desktop. For. You can research, browse, and shop. Until you've had enough and you're ready to stop. For porn. Trekkie. The internet is for porn. Voilà l'extrait de la comédie musicale Avenue Q, The Internet is for Porn. Je vous laisserai traduire à 16h38 sur France Culture, puisque nous parlons d'internet et notamment de la volonté, eh bien, de restreindre l'internet international pour en faire des versions nationales, comme on a pu entendre en Chine et comme nous allons voir ce qui est en train de se passer en Russie et peut-être même dans d'autres pays. Nous en parlons avec Julien Nocetti, qui est avec nous en duplex depuis Rennes, qui est chercheur associé à l'Institut français des relations internationales et enseignant enseignant-chercheur aux écoles de Saint-Cyr, Coëtquidan, et avec Kaveh Salamatian, qui est professeur d'informatique à l'Université de Savoie et chercheur en métrologie des réseaux et en cyberstratégie. Mais tous les mercredis, comme à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maxime Abba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse à l'Institut Léon Duguit, école doctorale de droit, Université de Bordeaux. Vos travaux portent sur l'ordre public numérique. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Tout à fait. La thèse doctorale que je suis amené à présenter aujourd'hui, comme vous l'avez dit, porte sur l'ordre public numérique. C'est un thème qui s'inscrit dans une actualité très forte et riche et se présente à la frontière de plusieurs disciplines. Nulle utilité de rappeler qu'aujourd'hui, nous assistons à un entrisme quasiment exacerbé du numérique dans nos us et habitudes quotidiennes, notamment avec la question de la démocratisation de l'Internet. Et on s'accorde de ces faits à dire unanimement qu'on est dans une ère de la digitalisation de nos sociétés. Et cette digitalisation a des conséquences d'un point de vue du droit, notamment le vent de la numérisation continue à souffler sans arrêt sur le droit. Et cela interpelle le juriste, interroge notamment les instruments et notions juridiques classiques qu'on connaissait en droit. En plus de cela, le numérique propose de nouveaux contenus notionnels tout en laissant apparaître de nouvelles notions, à savoir le cyberespace, la souveraineté numérique, la police administrative du numérique, la fiscalité numérique, pour ne citer que ces notions. Et toutes ces notions, il faut le préciser, se résument dans une notion plus générique qui est celle de l'ordre public numérique qui est l'objet de ma thèse. En effet, en matière de régulation et de réglementation du cyberespace, plusieurs thèses au fil du temps ont été avancées. La première, dite libertaire, postule que le cyberespace serait une zone hors du droit et exempte de toute intervention étatique. Cette tendance soutient qu'une lex informatica pourrait naître des réseaux ou des acteurs privés et non des acteurs institutionnels qui seraient, il faut le préciser, soit illégitimes, soit incapables de réguler l'espace numérique. Cependant, aujourd'hui, avec l'actualité brûlante, cette thèse tend à être remise en cause et on assiste en effet à un retour des États comme acteurs incontournables dans la régulation et la réglementation de leur cyberespace, mais entre autres de la défaillance constatée des acteurs du privé, notamment les géants du net. Il faut citer à ce titre plusieurs illustrations, à savoir les menaces et sanctions de l'État allemand, la volonté russe d'instaurer un Internet souverain, le surgissement des mesures étatiques ou supra-étatiques sur la fiscalité. En France, par exemple, il y a la loi sur la cyber-haine, ainsi de suite. En contrepartie de cette réappropriation par l'État du numérique qui se caractérise par la construction progressive d'un État digital ou d'une plateformisation de l'État, avec notamment l'usage des algorithmes d'intelligence artificielle, il nous semble que la régulation du numérique à l'échelle étatique peut comporter plusieurs limites, notamment d'un point de vue du droit, les incertitudes sur la loi applicable et la juridiction compétente. Il y a des conflits aussi qui peuvent naître entre systèmes juridiques distincts. Et cela est dû au caractère transnational ou territorial ou international même du cyberespace et surtout à la nature virtuelle de l'Internet. Et on peut légitimement se poser la question par rapport à tous ces éléments d'actualité, convient-il de construire un ordre public numérique à la seule échelle étatique? Et aussi, on peut se poser la question qui est celle de savoir si l'ordre public numérique ou la régulation du numérique par l'État est un ordre transnational ou supra-étatique. Et là, je fais référence un peu, notamment à la régulation de l'Internet au niveau de l'Union européenne. Mmh. On peut aussi demander s'il est possible d'envisager une régulation. Une réglementation internationale du numérique, ça relève un peu de l'idéal, mais ce sont des questions légitimes qu'on pourrait se poser. Et surtout, on pourrait se demander quel rôle pour les acteurs privés et plateformes numériques dans la régulation du numérique. Ainsi, l'objet de cette recherche est dans un premier temps d'analyser le fondement de l'étatisation de l'ordre numérique ou le retour à la logique étatique en précisant d'une part les contours et les contenus de la notion de souveraineté numérique ou de cloud souverain ou encore de l'autodétermination informationnelle, d'autre part en faisant état de la construction d'un état plateforme ou digital. Il sera envisagé de s'interroger sur la régulation étatique du numérique afin de faire état des avantages et limites de cette régulation pour proposer la nécessité et les contours d'une nouvelle forme de régulation qui probablement fera intervenir plusieurs acteurs. Et finalement, cette recherche permettra d'avoir une clé pertinente de réflexion tant théorique, pratique et transversale afin de saisir les différentes évolutions du droit du numérique. Merci beaucoup Maxime Abat pour votre présentation. Peut-être Julien Nocetti, une réaction à ces travaux en quelques mots. Alors, deux points principaux, enfin tout bêtement, le premier point, c'est que c'est extrêmement pertinent d'un point de vue de l'actualité politique et stratégique, et deuxièmement, que c'est aussi un sujet qui brasse énormément de champs et de domaines dans le numérique. Donc il y aurait peut-être un intérêt à resserrer un peu le champ d'études, parce que ça peut amener le doctorant très très loin dans ses recherches et investigations, et aussi avec le risque aussi d'être rattrapé par l'actualité immédiate. Et en matière numérique, il y a quand même matière. En parlant d'actualité immédiate, on va essayer nous aussi de rattraper le film pour revenir à la Russie, maintenant qu'on a vu tout à l'heure dans la première partie la structure de l'internet chinois. Est-ce que aujourd'hui cette loi qui vient d'être promulguée, je le rappelle, le 1er novembre sur l'internet national en Russie, est-ce que aujourd'hui la Russie a les moyens finalement de refermer en partie au moins cette boucle qui la connecte avec le réseau international, Julien Nocetti? Alors, elle a les moyens parce qu'il y a aussi une volonté politique depuis des années qui va en ce sens, d'une souverainisation plus affirmée, plus poussée du Rounet. Après, il faut aussi distinguer les capacités des moyens. Et ça, bon, les capacités russes sont quand même en hausse, quand même constante depuis des années. Même s'il y a peut-être une sous-estimation de la part du gouvernement russe du suivisme des acteurs économiques, comme moi je l'ai mentionné tout à l'heure, et d'une industrie qui, quand même, à certains moments, pourra quand même freiner, pour mettre un peu le haut là, sachant que à chacun des projets de loi, des lois successives qui ont été votées ces dernières années, les acteurs du numérique doivent supporter le coût des lois adoptées. Ça a été le cas il y a quelques années dans la loi qui consistait à relocaliser les données des internautes russes sur des serveurs basés en Russie. Donc ça a été les opérateurs russes qui ont dû supporter le coût de ces mesures. Et là également, dans le cadre de cette loi sur l'internet souverain, les opérateurs, acteurs économiques doivent mettre la main à la poche pour justement mettre en place des équipements qui devront permettre aussi une surveillance en temps réel par les autorités russes, en particulier l'agence qu'on appelle Roskomnadzor. Voilà, j'allais y venir. Qui est un peu le gendarme des télécoms et du numérique russe, qui est un peu, si on voulait comparer, qui est un peu un mix entre le CSA et l'ARCEP mais puissance 1000, donc qui n'a rien à voir avec nos équivalents français, mais qui a éventuellement la DGSE aussi. Non, voilà, ouais. Bien évidemment, parce qu'il y a depuis 2-3 ans des capacités renforcées en matière de surveillance en temps réel et puis de renseignement, évidemment. Donc ça, voilà, une vraie dimension stratégique aujourd'hui qui a été acquise par Roskomnadzor, avec des moyens humains aussi en renfort. Un mot peut-être qu'avait Salmatian sur cette faculté russe. On voit bien l'intention, on voit bien ce qui est à l'œuvre derrière, la volonté de contrôle, la volonté politique, peut-être aussi une certaine volonté économique, mais est-ce que la Russie aujourd'hui a les moyens de redévelopper une infrastructure de premier niveau, par exemple, pour pouvoir effectivement fermer un peu cette boucle qui, pour le moment, lie toujours avec l'internet mondial? Alors, je passerai par un argumentaire pour répondre à cette question, qui est de dire que la complexité principale auquel on est confronté aujourd'hui sur ces questions de stratégie d'État ou de stratégie d'Internet, c'est l'aspect multidisciplinaire très fort qu'il y a. C'est-à-dire, pour arriver à implémenter une politique, il faut faire travailler de consort des informaticiens, des économistes, des stratèges, des politologues et autres. Et l'élément le plus compliqué pour la mise en place de ces stratégies-là, ce n'est pas l'investissement économique pour changer les chemins, mais c'est d'avoir une réflexion de fond pour permettre de faire quelque chose qui ne tue pas la poule aux œufs d'or. Et donc le challenge auquel sont confrontés les Russes, mais aussi auquel sont confrontés tous les acteurs qui veulent faire ça, c'est de réussir à avoir cette combinaison des différents éléments pour arriver à faire ça. Et pour la Russie, c'est très difficile, tout simplement, parce que le réseau russe est extrêmement large. Il y a des impacts économiques très importants. Et cette conjonction des différents éléments de stratégie n'est pas facile à mettre en œuvre. Alors, on parle de la Chine, on parle de la Russie. On pourra, s'il nous reste deux minutes, parler du Brésil, de l'Iran, éventuellement de l'Inde. Mais peut-être qu'on peut parler de l'Europe également, en général, de la France en particulier. On a abandonné toute velléité de nationalisation ou de fermeture de notre réseau. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'IRIS où on vous a expliqué que nous n'avions finalement rien à risquer en termes de souveraineté numérique. Pour le moment, oui. J'ai retrouvé François Bernard Huy, qui est directeur de recherche et qui collabore étroitement avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Cette agence œuvre, entre autres, à protéger nos infrastructures numériques, à les certifier pour garantir notre souveraineté numérique vis-à-vis, bien sûr, des attaques de l'extérieur. Derrière ce principe de sécurité, cet expert analyse aussi la question des libertés individuelles pour les citoyens et les entreprises, sur les usages Internet, les applications, mais aussi en ce qui concerne l'avènement de l'Internet des objets. C'est très intéressant de voir qu'un organisme comme l'ANSSI, qui fait un très bon travail, est dirigé par l'idée de protéger nos infrastructures vitales ou de souveraineté. En clair, ça veut dire de faire de telle sorte qu'un État qui voudrait contraindre la France ou provoquer un dommage ne puisse pas paralyser le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, bien entendu, mais ne puisse pas non plus paralyser le système de carte bleue, l'électricité ou des très grosses sociétés dont l'importance est telle qu'on peut considérer qu'elles font partie de notre souveraineté. Donc protéger notre souveraineté contre des attaques, contre de l'espionnage aussi, bien entendu, avec de la connaissance technique et une bonne communication auprès des entreprises. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut protéger nos infrastructures vitales et qu'il y a l'idée qu'il faut protéger notre souveraineté numérique. Qu'est-ce que ça veut dire, protéger sa souveraineté numérique? C'est être à l'abri des principales attaques, celles qui, en tout cas, pèseraient sur notre pouvoir de décision politique, et d'autre part, ne pas être trop dépendant de technologies étrangères. Donc là, on parle d'un protectionnisme industriel, économique, de sécurité, qui n'irait pas au-delà sur les usages des citoyens, sur l'Internet, le web et l'Internet des objets, la consommation électrique, les grids, etc. Alors, en France au moins, on est censé se protéger contre des attaques ou une dépendance de l'étranger, pas contrôler les citoyens idéologiquement, encore que... C'est toujours le premier pas, donc c'est pour ça que c'est légitime de peut-être se poser la question. Alors, après, mais ceci ne reflète que mes opinions personnelles, je suis assez inquiet. On commence toujours de manière vertueuse. Hein. Voilà, on va lutter contre les méchants. Donc on va lutter contre les fake news, les discours de haine, et maintenant les fraudeurs qui ruinent la France, etc. Tout ça part certainement d'une très bonne intention, mais on rentre un peu dans un engrenage où des services d'État pourraient contrôler les contenus. Alors, contrôler les contenus quand on est en France, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire qu'on peut vous faire un procès si vous avez dit des choses immondes sur votre page Facebook. Mais ça veut dire surtout que les autorités, par exemple le juge du référé dans la loi contre l'info, hein, c'est la traduction qu'on a faite de fake news, vont s'adresser aux fournisseurs d'accès, aux GAFAM, etc., en leur disant « retirez immédiatement ce contenu que vos algorithmes et vos modérateurs auraient dû repérer ». C'est-à-dire, alors qu'il y a déjà un pouvoir de contrôle qui me semble assez inquiétant de Twitter, de Google sur le contenu. Là, on va les inciter par précaution à en retirer toujours davantage, etc. Et on rentre dans un système de contrôle du contenu et du message. Pour en revenir en France et l'ANSSI et son système d'exploitation, quelles sont ses caractéristiques physiques ? Alors, c'est d'avoir des systèmes certifiés. Ça veut dire que on vous garantit que le machin que vous utilisez va résister aux attaques les plus courantes. Là, il s'agirait de produits numériques qui auraient, sinon la garantie du gouvernement, du moins dont on saurait par l'usage et par des gens ayant une bonne connaissance technique, qui présentent un très bon niveau de sécurité. En pratique, quels usages, comment ça se reflèterait dans nos usages quotidiens ? Alors, dans nos usages quotidiens, on ne va pas évidemment envoyer des gendarmes pour vous obliger à mettre telle application ou telle autre. Mais c'est une possibilité pour les entreprises en particulier de s'assurer qu'elles n'ont pas des passoires à sécurité et de pouvoir faire intervenir très rapidement des pompiers de l'Internet formés techniquement en cas d'attaque pour au moins les modérer, acquérir de la résilience. Donc en fait, on bâtit quelques briques d'une défense et d'une sécurité des entreprises et des citoyens. Donc des entreprises et des citoyens au niveau individuel. Au niveau individuel, on est dans une situation, je dirais, de protection de notre sécurité, tout en étant un pays qui n'a guère de contrôle sur la technologie. Les GAFAM ne sont pas en France. Vous qui êtes un expert en cyberstratégie, comment vous préfigurez l'Internet à l'horizon de 5 ans en France ? Alors, il me semble qu'on a pris évidemment de bonnes directions, qu'on est dans une logique qui elle-même, elle a un fond idéologique. Hein, c'est un peu une vieille logique gaulo-mitrandienne, protéger sa souveraineté, être un État particulièrement indépendant. Le problème est évidemment un problème de dépendance technologique, etc. Vous évoquiez les objets connectés. Le problème est que les objets connectés risquent d'être des passoires à sécurité. Mais maintenant, si on a un système d'objets connectés reliés à de l'IA qui a calculé que vous viendriez tel jour à l'Iris et qu'il faut faire le chauffage et l'éclairage à telle heure et à la limite nous servir une boisson fraîche à cette heure-là, on va installer un système qui va être connecté à tout le système informatique de l'Iris et qui va pas être forcément défendu de façon féroce. Tout ça va être connecté, être sur le Wi-Fi. Quand je vais acheter un t-shirt connecté qui va m'envoyer des informations en me disant tu as un peu transpiré, il est temps de me laver, évidemment, on ne va pas investir dans sa sécurité des sommes monstrueuses. Voilà le reportage du jour qui pose cette dernière question à laquelle je vous demandais de répondre assez brièvement parce qu'il nous reste à peine plus d'une minute, Julien Nocetti. Est-ce que finalement, il n'y a pas un niveau justement d'autonomie, de fermeture qui est nécessaire en termes de sécurité, d'indépendance, qui serait souhaitable en tout cas dans des pays qui n'ont pas forcément de vocation totalitaire ? Alors, loin de moi la validité de prêcher pour une souverainisation justement du numérique parce que vous me ferez passer pour un étoile du contrôle, c'est absolument pas le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est de resituer tous ces enjeux dans un cadre européen. On est aujourd'hui dans un contexte où une nouvelle Commission européenne s'installe, prend ses fonctions. Vous avez une vice-présidente de la Commission, Margrethe Vestager, qui a des validités en matière de souveraineté numérique et technologique en particulier relativement affirmées avec un volet concurrence, taxation des gens numériques assez important, avec aussi des ambitions en matière de souveraineté européenne, en matière d'intelligence artificielle et de 5G. Donc ce sera à suivre. Il faut pas désespérer non plus dans ce cadre européen. Plus largement, et puis pour reprendre aussi en partie les propos qui ont été dits sur les données, l'année dernière, l'Union européenne a adopté le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, donc qui a un an et demi aujourd'hui, et qui, à mon sens, est une réponse réglementaire à un défi de nature plus géopolitique. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de voir la façon dont les Européens, dont les Français font partie, conçoivent aussi les sujets numériques dans leur globalité, c'est-à-dire plus comme un sujet de marché d'utilisateurs, plus que comme un sujet plus conflictuel et géopolitique. Ça va peut-être changer aussi dans l'année à venir. Merci beaucoup, ce sera malheureusement le mot de la fin. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous parler de cette nationalisation d'Internet. Merci, Kevin. Salamatian, merci Julien Nocetti, merci à notre doctorant du jour Maxime Abba, merci aux camarades de France Bleu Armorique à Rennes pour le duplex. Je vous rappelle que comme tous les mercredis, c'est le jour où vous pouvez retrouver les idées claires sur votre application de podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, avec cette question aujourd'hui: faut-il bannir la viande de nos assiettes? Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, avec Étienne Antoine Beauchamp, Noémie Nagat Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Natacha Trio, Alexandra Delbeau, Olivier Bétard à la réalisation, Jean Frédérix à la technique, et puis un coucou aujourd'hui à l'ex-capitaine de frégate de l'Astrolabe François Tristram, qui est venu nous rendre visite avec tout son clan. Demain, nous aurons l'immense privilège de nous entretenir avec l'un des plus grands physiciens contemporains, un esprit on ne peut plus iconoclaste, l'un des pères de la gravitation quantique à boucle, qui appelle à réinventer une nouvelle physique réaliste en partant de la page blanche. Rendez-vous avec Lise Moline demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.